Alors là, on va au parc départemental. On va arriver à l'endroit où il y avait un peu, où il y avait le bidonville. Et c'est vrai que mon repère, c'était la station du bus du 150. Parce que moi, quand même, j'étais petit. Et c'est le repère que j'ai pour situer un petit peu où il était le bidonville. Parce que cette station, elle existait déjà. Elle existait déjà et c'est le 150, c'est vraiment une ancienne ligne quoi. Tu vas de la Villette, de la porte de la Villette, jusqu'à Stain. Là, c'est le parc départemental hein, qui s'est agrandi. Il y a le centre du CPA qui est là pour tout ce qui est équitation. Et c'est la première entrée du parc départemental, mais il était situé, le bidonville, il venait jusqu'à peu près ici, jusqu'à là, dans le virage, jusqu'au bout, où je vais vous montrer où on va stationner. D'accord. Il était plutôt dans cette longueur comme ça ? Il était plutôt dans cette longueur comme ça. D'accord. Il était en face des terrains de foot, parce que ça aussi, le parc des sports, ça, il y a très très longtemps qu'il existe. Hein. D'accord. Et le bidonville se situait à peu près dans cette portion-là. D'accord. Alors je ne sais pas jusqu'à où il allait, hein. Mais je sais à peu près dans le départ et l'entrée du bidonville se situait là où je vais vous montrer dans la station de bus.